ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la chanson québécoise dans le Paris des années 50. C'est mardi ce soir et c'est supposé, on est supposé avoir un soir de relâche par semaine qui est le mardi. Mm-hmm. Mais ce soir, nous jouons à l'occasion de la 400e de Sans Issue. Nous jouons devant la presse. Oh, il y a, je dirais, je ne sais pas, 150, 200 journalistes peut-être. Oui. Dans notre petite salle ici, du Théâtre des Trois Baudets. 150 à 200 journalistes venus entendre Félix Leclerc à l'occasion d'un concert organisé spécialement à l'intention de la presse parisienne en avril 1951, ça donne déjà une bonne idée de la rumeur qui circule autour de Félix et du succès que connaît cette revue Sans Issue à laquelle il participe soir après soir dans ce petit théâtre des Trois Baudets à Paris. Félix Leclerc est le premier artiste québécois qui va s'illustrer en France au début des années 50 et son succès là-bas va ouvrir la voie à de nombreux autres artistes de la chanson d'ici qui vont vouloir, à leur tour, tenter leur chance en France. C'est un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était tout en pleurs sur le bord d'un fossé. Quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier: Monsieur, ramassez-moi, chez vous, amenez-moi, mes frères. Quand j'ai entendu Félix Leclerc pour la première fois, c'était à l'ABC, et j'ai pensé de lui tout de suite qu'il y avait une fraîcheur, une naïveté qui était toute nouvelle dans la chanson. J'ai même qualifié, je crois, dans Paris Match, Félix Leclerc, du douanier Rousseau de la chanson. Je voudrais vous demander, Monsieur Chevalier, si ce n'est pas trop osé, ce que vous pensez de Félix Leclerc? Je pense qu'il est, ce qu'on appelle authentique, vous comprenez? Félix Leclerc est quelqu'un de très simple, quelqu'un de très dépouillé, de très émouvant, parce que Félix Leclerc a une impression de pureté que rarement j'ai vu et entendu chez un artiste. Je le connais peu, mais le peu que je connais de lui m'est infiniment sympathique. Et en tant qu'artiste, je vous dis, je le considère un peu comme un genre de petit bijou de simplicité. Alors, je vous remercie beaucoup, Monsieur Chevalier. Et maintenant, est-ce que je pourrais avoir quelques mots de Lady Patachou, qui s'embarquera dans quelques jours aussi pour le Canada? Quelles sont vos impressions? Ah ben, je veux dire que j'aime toutes les chansons de Félix Leclerc. Et quant à Leclerc lui-même, comme je dois partir au Canada dans quelques jours, il me donne un aspect du Canada tel que je le rêve. Et si tout le Canada est comme Félix Leclerc, ça va être encore le plus merveilleux comme séjour que je le pensais. Je fais un grand détour, ou bien je me ferme les yeux. Je fais un grand détour, ou bien je me ferme les yeux. Sur le petit bonheur de Félix Leclerc, vous entendiez les commentaires recueillis par le journaliste Raymond Laplante le soir de cette représentation spéciale destinée à la presse parisienne du spectacle Sans Issue, présenté au Théâtre des Trois Baudets à Paris le 3 avril 1951. Si Félix a été le premier à ouvrir la marche, d'autres artistes, nombreux, vont suivre tout de suite après, dans les mêmes années, les années 50 où Félix est à Paris. Il y en a quelques autres qui s'essayent, comme on dit, sur cette scène parisienne pour nous raconter cette folle épopée, parce qu'il s'agit effectivement dans certains cas d'une folle épopée. Je reçois l'auteur, compositeur, interprète Steve Normandin. Steve Normandin, bonjour. Bonjour, Jean. Quelle importance d'abord a cette, appelons-la la première vague de chanteurs québécois en France dans les années 50, et comment est-ce qu'on passe cette première vague-là, parce que ce ne sera pas la dernière, à celles qui vont suivre? Oui, bien, j'ai l'impression que chez les Parisiens, ou la France en général, on voit le Canadien français, comme on disait à l'époque, comme le petit moment d'exotisme. Vous savez, on sort de la guerre, on sort de la tristesse, et on est encore quand même marqué, bien que ça fait quasiment 20 ans, d'un film de Maria Chapdelaine. On voit les grands espaces, et il y a le côté magique de ce que c'est. Et en fait, les artistes français après-guerre retraversent chez nous après avoir été empêchés par la guerre. Donc, dans les années 30, il y avait des Trenet, Ray Ventura, Tino Rossi, Jean Sablon et compagnie qui venaient et qui se sont bien rendus compte qu'il y avait une vie culturel. Bon, il y avait beaucoup de chanteurs qui chantaient comme les Français. Ouais. Il y avait beaucoup de gens qui s'en imprégnaient. Mais là, il s'était passé un mouvement nouveau. Dès les lendemains de la guerre mondiale, il y a des jeunes qui commencent à écrire de la chanson. Ces jeunes-là, à ce moment-là, c'est Raymond Lévesque, c'est Fernand Robidoux, c'est Félix Leclerc. Ouais. Et quand Canetti traverse pour voir ce qui se passe, parce qu'il se dit... Il y avait un concours qui était un producteur qui va diriger à la fois comme directeur artistique la maison de disques Philips pour permettre à des gens de sortir du lot. Brassens, Brel, Béart et Juliette Gréco. Enfin, il y a plein de gens qui vont être découverts par ce gars-là. Et quand il traverse en 48, il y a eu un concours bien avant le concours de la chanson canadienne en 57. Premier concours où Lionel Daunet écrit du matériel, gagne un concours, ça fait un contrat Polydor avec l'équipe de Reventura qui enregistre la chanson. Bref, on se rend compte qu'il y a une effervescence. Il y a des films qui se créent avec une comédie musicale, Les Lumières de la Ville en 50. Tout ça fourmé. Et quand le producteur Canetti arrive, c'est Jacques Normand qui lui présente Félix Leclerc. Il dit, écoute, il n'écrit pas des chansons comme tout le monde. Ça ressemble à rien de la France et ça nous parle, nous. Lui a tout de suite, Canetti a tout de suite vu en Félix Leclerc quelque chose qui s'ouvrait, qui permettait à notre monde, à nous Québécois, d'aller nous raconter en chanson avec un matériel tout original. Et de ce fait-là, je crois que ça a été un élément déclencheur et la porte ouverte à plein d'artistes qui ont dit, nous aussi, on peut peut-être aller à Paris montrer qu'on existe et qu'on fait des chansons à l'image du Canada de l'époque. Il y avait un ambassadeur, un produit, entre guillemets aussi, là, authentique. Félix, c'est pour ça qu'il a été important. Il arrive, la France découvre cette manière de chanter, tout à coup, par Félix. Oui, puis il n'y avait personne, même au Québec, ou très peu, il y avait les chanteurs de cowboy qui s'accompagnaient de la guitare. La façon de jouer de Félix était très particulière. Il avait appris vraiment un peu à la façon des Espagnols ou des Gitans, cette façon de jouer en finger picking, comme on dit en anglais, donc de pincer les cordes avec les doigts, qui était très particulière et donnait un aspect très slave à ses chansons. Lui qui était bercé de musique russe, ça parlait aux Européens, mais en même temps, ça touchait aussi des cordes sensibles. On vient d'un pays du froid et tout ça. Bon, alors tous ces éléments-là fait que quand Félix arrive à Paris, on montre un aspect du Québec extraordinaire et son succès est tel que ça permet à d'autres auteurs-compositeurs et à d'autres artistes de peut-être rêver de tenter une chance vers cette Europe qui était, oui, meurtrie, mais qui est encore la plateforme à la fois des rencontres intellectuelles et musicales. Et la chanson, à ce moment-là, est à l'âge d'or. Il y a un tas de nouveaux artistes qui arrivent dans le milieu de la chanson et Félix fait partie intégrante de ces gens-là. Et c'est un réel succès, là. C'est pas... C'est même un triomphe. Il avait enregistré ses disques à Montréal. Canetti était parti avec les enregistrements, les fait publier à Paris et le premier 33 tours est préfacé par nul autre que Pierre Macorlan. Et de ce fait-là, cette approbation, si vous voulez, d'un homme de littérature, d'un homme de lettres, fait en sorte que ça ouvre une voie royale à Félix Leclerc qui ne s'attendait pas à avoir une si belle réception. Et là, tous les espoirs sont permis à tous les auteurs de chansons d'ici pour traverser de l'autre côté. Avez-vous remarqué sur les trottoirs les petits enfants s'amusent? Avez-vous remarqué sur les trottoirs les grands passent et les usent? Avez-vous remarqué? Je commence à être un vieux parisien, là. Ça fait 2 ans que je suis là. Et puis ici, c'est un peu mon coin, je viens souvent alors. Ah bon? Et au cours de ces 2 ans, qu'est-ce que tu as fait au justement? J'ai fait beaucoup de cabaret. J'ai travaillé surtout dans des endroits comme ici parce que ce sont les endroits qui se prêtent mieux pour mon tour de chat. Alors, j'ai travaillé au Lapin Agile, au Cabaret de l'Écluse, au Caveau de la Bolée. Car sur les perrons, de petits soldats se livrent dures batailles. Mais ça ne dure pas long quand un soldat tombe sur le derrière et puis braille. Avez-vous remarqué? Mais qu'est-ce qui t'inspire dans des chansons, Raymond? Tu fais des chansons à même... Ouais, même ce que je vois surtout. Des chansons descriptives. Je trouve un sujet, puis après je fais les paroles et la musique en même temps. Les deux en même temps? Oui, moi, c'est ma façon. Ah oui, c'est pas les paroles qui viennent d'abord, ni la musique d'abord. Tu fais... Non, je travaille les deux en même temps. Ça va mieux, je sais pas comment dire. Et quelle est la toute dernière de tes chansons, alors? Ah, la toute dernière s'intitule « Quand les hommes vivront d'amour ». Une chanson un peu philosophique. Tu nous en donnes la primeur? Oui, d'accord. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Et commenceront les beaux jours, mais nous serons morts, mon frère. Quand les hommes vivront d'amour. Quand les hommes vivront d'amour au ukulélé, s'il vous plaît, c'est un nom qui nous vient tout de suite en tête, évidemment, celui de Raymond Lévesque, quand on pense à ces Québécois Steve Normandin qui vont occuper cette scène de la chanson à Paris dans les années 50. Oui. Juste pour dire ce qu'on entendait, en fait, ces deux extraits du documentaire de l'ONF, Un Canadien errant, réalisé en 1956. Vous avez peut-être reconnu la voix de Gérard Pelletier qui menait les entrevues avec Raymond Lévesque. Comment ça se passe pour Lévesque, cette découverte du Paris des années 50? Ben lui, il décide de faire sa valise fin 53-54. Il s'embarque sur un bateau et il n'a aucune idée de qui il va rencontrer là-bas. Lui a eu une chance inouïe, en fait, quand il était à Montréal. D'abord, de chanter à une certaine époque au Faisan Doré. Il était le garçon de table et fait la connaissance à la radio et au Faisan de Fernand Robidoux, qui lui propose d'enregistrer ses premières chansons. Il faut comprendre à cette époque-là qu'il y a personne qui veut enregistrer de chansons québécoises. Et Raymond Lévesque voit Robidoux traverser, aller à Londres, enregistrer des chansons avec orchestre et revenir avec des disques made in England. Donc, cette espèce de rejet de se faire dire « Oui, vous faites de la chanson à l'époque, on disait canadienne », ça n'a aucun impact. Les gens des compagnies disques rejetaient, mais en bloc. Il fallait vraiment faire des parties de bras de fer pour arriver à convaincre. Or, là, il y a l'événement de Félix dont on parlait tout à l'heure, le fait qu'il soit reconnu, le fait de pouvoir enfin vivre de son art tout en ayant la possibilité d'aller écrire des chansons, faire la rencontre des grandes vedettes aussi. Ouais. Parce que à ce moment-là, la vraie façon, quand on est francophone, de faire le métier, c'est d'être dans un milieu, un bassin extraordinaire. Mm-hmm. Et c'est la chanson française à son plus beau. C'est les grandes heures d'Yves Montand, Gréco apparaît, les grandes interprètes comme Catherine Sauvage. Tout le monde commence, il y a une effervescence, les cabarets, tout le monde en parle comme étant un lieu où la poésie, la musique, la chanson est une pensée aussi, c'est-à-dire de faire de la chanson, certes, mais une chanson qui réfléchit. Et ça parle à Lévesque qui se rend là-bas. Avec, et puis il rencontre évidemment le tout Paris, un jeune producteur qui va beaucoup écrire, Lévesque, pour les autres. Il va écrire beaucoup pour les autres, oui, et il va avoir le producteur dont je veux vous parler, c'est Barclay, qui commence à faire des disques. Et dit Barclay prend sous son aile deux jeunes Québécois, ce sont Raymond Lévesque et Dominique Michel, et leur fait faire leur premier disque. Lui commence à écrire des chansons, les propose à Jean Sablon. Il rencontre Barbara au cabaret de l'Écluse, qui lui prendra aussi des chansons. À un moment donné, il a la chance de rencontrer la vedette maison de la compagnie disque Mercury, qui distribue les enregistrements des Américains, mais aussi des grandes vedettes françaises. Et la plus grande vedette maison, c'est M. Eddie Constantine. Hmm. Alors, il lui propose deux chansons, « Les trottoirs » et « Quand les hommes vivront d'amour ». Et il sera le créateur de ces deux chansons québécoises, certes, mais qui sont nées en France. Tant qu'il y aura des filles, tant qu'il y aura des gars, tranquille, ils s'aimeront dans l'île. Tranquille, ils s'aimeront au bois. Il connut... Monsieur, comment, s'il vous plaît? Jacques Blanchet. Jacques Blanchet? Oui. Vous êtes... Je suis canadien. Vous êtes canadien? Montréalais, plus exactement. J'écris des chansons depuis 6 ans, à peu près, 5 ans et demi. Oui. Et je les chante depuis 2 ans. En France? Au Canada. Au Canada? Au Canada, oui. Ah, il n'y a pas longtemps que vous êtes en France? Seulement 3 mois, madame. Ah, bon, c'est tout récent. Et vous n'avez pas de guitare? Ah, non. Bien. Alors, je vous écoute. Il partit donc pour la ville où il fit au gré des vents les doux yeux à bien des filles pendant plus de 3 printemps. Quand j'ai mangé de la misère. Pendant 1 an, j'ai travaillé dans les boîtes à chansons qui nous payaient des fois 3 $ par soir, d'autres boîtes à chansons qui nous faisaient passer en audition et qui disaient « Oh, c'est très bon, alors venez ce soir, on va vous écouter en public. » Et alors on passait comme ça en public, ça leur faisait un spectacle qui ne leur coûtait rien. On avait une idée préconçue, une idée déjà toute faite du Canadien. Moi qui arrivais avec des chansons qui n'étaient pas nécessairement canadiennes dans l'essence du mot et de la conception de la chanson, elles étaient beaucoup plus internationales. On comprenait pas. On comprenait pas et on l'acceptait difficilement. On voulait que j'écrive des chansons qui avaient beaucoup plus de caractère canadien, soit dans le langage ou dans l'inspiration. Tant qu'il y aura des filles, tant qu'il y aura des îles, tant qu'il y aura des villes. C'est joli. Extrait des émissions Le Petit Conservatoire de la chanson, diffusé en 1956, émission française, puis de l'émission Qui êtes-vous, Jacques Blanchet, diffusé en 1972, émission québécoise. Le cas de Jacques Blanchet, ça nous montre bien, Steve Normandin, que pour certains, c'est pas facile. Il va passer une année en France. Il va dire que c'est Jacques Blanchet, que ça a été une année de galère. Oui, et il n'est pas le seul à qui ça arrive. Mais dans le cas de Blanchet, il le disait lui-même, c'est pas quelqu'un qui combattait. Le milieu parisien du spectacle est un milieu extrêmement vorace. Si tu veux faire ta place, il faut que tu joues du coude. Et il y a plein de gens qui font du cabaret à ce moment-là, des gens qui sont pas très connus, mais qui vont arriver à prendre le dessus de la pile parce qu'ils vont avoir un bon contrat avantageux, parce qu'ils vont être capables de se... Bon, il y a la personnalité aussi, il y a la demande du public, mais c'est pas tout dans la vie. Et le milieu des cabarets, donc, comme il précisait, souvent, ils étaient payés un bol de café, un croissant. Donc, à un moment donné, c'est pas ça qui fait vivre son homme. Et Blanchet se sert de cette expérience à la fois pour peut-être affiner son écriture, mais se rend compte qu'il y a peut-être une espèce de folklorisation. On imagine Félix, puis c'est pas de la faute de Félix Leclerc du tout, hein, mais le fait que, oui, bon, comme le rappelait Mireille... On cherche un deuxième Félix, au fond. Ouais, puis on a une idée des grands espaces et machin. Or, lui, il vient de la ville. Ouais. Il est très, très poétique dans sa façon d'aborder les choses, très romantique. Et toutes ces combinaisons-là fait qu'il va se retrouver très souvent seul dans sa chambre à écouter les pigeons. D'ailleurs, il va composer une chanson qui s'appelle Les Pierrots menteurs, où il entend les pigeons dans la cheminée, et c'est peut-être une des chansons les plus tristes de son répertoire, où il dit sa solitude alors qu'il est à Paris et qu'il essaie de faire son bout de chemin. Parlons de Pauline Julien. Elle sera aussi de ce Paris des années 50. Son cas est particulier dans la mesure où elle va chanter à Paris, mais elle y vient d'abord pour le théâtre. Pour le théâtre, pour le mime. Elle va être étudiante libre au conservatoire, mais aussi elle va voir le mime Marceau. Donc, elle cherche d'abord à être comédienne. Son mari du moment, Jacques Galipeau, les deux sont là pour faire du théâtre. Ils sont imprégnés de poésie, tout ça. Et c'est durant des représentations de théâtre, en fait, où Pauline Julien se fait proposer pour faciliter un changement de décor, où enfin, il y a un trou, il faudrait qu'elle puisse chanter une chanson. Ouais. Puis comme elle le rappelait à un moment donné dans une monographie parue chez Segers dans les années 70, elle confiait à Louis-Jean Calvet, c'était complètement fou, c'était pas bon. Mais au moins, je sentais qu'il y avait une façon de s'exprimer. C'était comme une courte pièce de théâtre et elle arrivait à se libérer du carcan d'une grande pièce et d'un rôle. Ouais. Et là, ça a été un cadeau, en fait, pour nous que ces moments-là de théâtre se transforment en chanson. Ouais. Parce que Pauline Julien va apprendre auprès des plus grands et elle aussi va sillonner les cabarets de la Rive-Gauche à la recherche de répertoire. Elle va d'abord chanter Bertolt Brecht, les grands poètes français. Et à un moment donné, elle se rend compte qu'il y a des auteurs de chansons. Ça va être la première à faire, entre autres, les chansons de Raymond Lévesque avec Dominique Michel. Et c'est donc pour elle, à Paris, que la carrière de chanteuse commence. Puis elle va tisser des liens avec plein d'artistes français. Ça m'amène à vous demander comment ils sont perçus, ces artistes québécois, dans ce Paris des années 50, Steve Normandin. J'ai l'impression que les Parisiens nous perçoivent d'une drôle de façon. C'est-à-dire que tant qu'on leur amène une part d'exotisme et que ça reste à l'illusion et au rêve, là, le Québécois est reconnu. Mais quand on arrive pour raconter des choses du quotidien, aujourd'hui, peut-être moins parce qu'on a une plus grande proximité, on peut se parler en temps réel. Ouais. Mais j'ai pas l'impression que les Parisiens de cette époque-là s'aperçoivent que les auteurs de chansons viennent des villes, que Montréal est en pleine effervescence, que ça... Non, on a encore l'image poétique, un peu comme quand on voit la photo de Félix sur sa clôture de broche. Bon, il vivait quand même en campagne à Vaudreuil ou à l'île d'Orléans plus tard, mais c'était pas le courant commun. On avait les mêmes envies, les mêmes ambitions et on venait d'un pays neuf, mais ils avaient encore le côté Maria Chapdelaine des auteurs de chansons et des artistes en général. On leur a montré qu'on pouvait nous aussi grandir et évoluer. Ils nous ont aidés beaucoup, mais on a eu notre part d'évolution à faire là-dedans. Où sont-ils donc tous ces pays dont on nous parle dans les chansons. Ils sont ailleurs, bien loin d'ici. Nuit tropicale, clairs horizons, soleil de feu. Guylaine Guy chantant « Où sont-ils donc ?», une chanson de Charles Trenet, ça nous amène, pour terminer cette émission, à parler de deux artistes, deux femmes, Guylaine Guy et Jeanne d'Arc Charlebois, qui seront de ce Paris des années 50, mais de manière un peu différente, Steve Normandin. Oui, rien à voir avec les cabarets de la Rive-Gauche et la poésie. C'est le monde du spectacle, des grands musicals, des numéros vraiment les numéros de fantaisie. Et dans le cas de Guylaine Guy, quand elle chante à Montréal dans les années 50, Charles Trenet est de passage et lui propose sur un plateau d'argent de venir faire sa première partie à l'Olympia. Ça va vraiment... Elle avait déjà quand même un bon début de carrière. Elle était issue d'une famille où maman enseignait le théâtre et la diction. Sa sœur Colette Bonheur aussi chantait magnifiquement bien. Et là, cette opportunité d'aller en Europe, mais vraiment par la grande porte, elle va mordre aux fruits de façon absolument extraordinaire. Évidemment, les années yéyé auront peut-être raison de sa carrière, mais elle aura continué à chanter pendant un bout de temps jusqu'à devenir artiste d'art visuel, à faire de la sculpture. Et Jeanne d'Arc Charlebois, un peu pareil, c'est une rencontre à Montréal, mais elle rencontre une artiste française qui lui ouvre la porte parisienne. La comédienne Odette Laure, qui était une comédienne qui jouait beaucoup les soubrettes avec une petite voix, elle faisait aussi de la chanson. Elle aperçoit Jeanne d'Arc Charlebois qui faisait non pas les chansons de Madame Bolduc, mais à ce moment-là, un numéro d'imitation, numéro de trompette, numéro de petite fille, de ténor. Enfin, elle avait vraiment un registre vocal impressionnant. Et c'était une des premières imitatrices. Dans le vrai sens du terme, qu'on avait au Québec. Et elle lui dit, écoute, il y aurait peut-être possibilité de faire des cabarets. Alors, elle est engagée tout d'abord, Jeanne d'Arc Charlebois, au Drap d'Or. Et ensuite, elle va faire l'Olympia, Bobino, les grands musicals, jusqu'à chanter même au mariage de Grèce de Monaco avec le prince Régnier. Et ce qui est très particulier, c'est que dans le cas de Jeanne d'Arc Charlebois, elle doit se trouver aussi un nom d'artiste parce que, en blague, on était conscient, mais Jeanne d'Arc brûle les planches. Elle arrive en France, l'aspect Jeanne d'Arc est un peu particulier. Donc, on fait une contraction de son nom et il devient Jeanne d'Arbois. Ouais. Et un de ses disques où elle fait ses imitations, le texte de présentation sur la couverture du disque est rédigé par nul autre que Boris Vian. Donc, c'est deux exceptions par rapport à tous les auteurs de chansons, mais c'est quand même, dans le milieu de la variété, deux exemples importants. On pourrait parler après ça des artistes de la scène classique. Ce sera peut-être pour un prochain rendez-vous parce que musicalement, les Québécois vont envahir. Là, on a parlé de la chanson parce qu'il fallait faire le lien avec Félix. Mais musicalement, et il y a certains comédiens aussi qui ont fait leur marque là-bas. Ça reste des moments très, très importants pour nous, Québécois, d'aller ailleurs dans la francophonie et de montrer qu'on pouvait exister aussi. Steve Normandin, auteur, compositeur, interprète, ami de l'émission. Merci beaucoup, Steve. Merci, Jacques. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.